soki mana zali na 17 ans na poli na maboko na yo aye na zela elise pe na zela kikotana okozelanga na se ya nzete mpona badebu. Depuis que tu m'as dit adieu, bah tu me laisses sans amour, je ne peux que te pleurer. Ma vie est devenue un enfer. Depuis que tu m'as dit adieu, bah tu me laisses sans amour, je ne peux que te pleurer. Ça, c'est un rythme de 1995. Yeah.